Selon Yonhap de Corée du Sud, le Conseil des évêques catholiques s'est opposé à la décision des autorités sur la disposition de SAD qui peut engendrer le système d'une nouvelle guerre froide au lieu de contribuer au maintien de la paix dans la péninsule coréenne. Le même jour, les journaux Pyongyang Simun et Une Nation ont également critiqué dans leur éditorial la traîtresse Park Geun-hye qui s'avise de réprimer l'opinion anti-gouvernementale au sujet de la disposition de l'arme américaine.